tabarouette. Deuxième épisode de Geekorama. Comment ça va, Dom? Ah, ben, toi? Ah, oui, ça va super bien. Bien content de te voir. Ouais, moi aussi. Hey! Mon Dieu, on est rendu à ce deuxième épisode-là. Écoute, moi, regarde, on a un plan. On est quand même bien organisé. Mais j'ai le goût tout de suite, de remercier, en fait, la communauté. D'avoir vraiment écouté, vous avez écouté le premier épisode et vous nous avez donné des commentaires, des suggestions par rapport au podcast. Puis je vous en remercie vraiment. Vraiment, c'est très, très, très beau feedback. Oui, puis qui valent la peine. Et c'est constructif, tu sais, c'est pas des critiques genre allez vous prendre. Non, c'est vraiment quelque chose de plaisant à lire et voir. Ben, je suis content. Je suis content que vous ayez aimé ça. Puis, dans le fond, on vous a écouté. On a pris ça en considération. Ouais, entre autres, Olivier Leblanc, Lucie, je crois qu'il avait dit bon. Je préférerais plus des sections de trois blocs. On a eu beaucoup, en fait, cette suggestion-là est revenue quand même assez souvent. On avait aussi un pressentiment que ça allait faire ça. On veut pas 10 tonnes en ligne. C'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Je peux comprendre aussi les gens qui se rappelaient pas de toute la setlist, parce que je veux pas, ça en fait pas mal de suite. Et puis, tu sais, vu qu'on parle pendant les tunes, le monde se souvenait pas nécessairement de ça. Il y avait Sébastien Bouchard, d'ailleurs, qui m'en avait parlé de ça. Bien content que tu m'aies critiqué, entre parenthèses. Fait que, non, c'est ça, j'aimerais remercier bien gros tout le monde d'avoir répondu à l'appel. Puis, arrêtez surtout pas, continuez. Nous, ce show-là, on le fait principalement pour vous. On le fait pour nous, oui. Parce qu'on se rend compte, c'est le fun, puis c'est comme ça qu'on fait le show. Mais en même temps, c'est pour vous qu'on le fait. Ça n'a jamais été autre chose. Donc, arrêtez surtout pas des commentaires Facebook. Oui, c'est vrai, pendant que j'y pense. Je vais faire un Gmail pour Geekorama. Ouais, c'est vrai. J'y viens juste d'y penser. Puis d'ailleurs, petite parenthèse aussi, moi, je suis sur Twitter aussi. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est Dominique Jean 16, mon. En fait, tu peux. C'est @Dominique-Jean sur Twitter vous pouvez aller le rejoindre. Moi, c'est Vaildan, V-A-I-L-D. @Vaildan sur Twitter. Puis c'est ça, sur Twitter, moi je suis quand même tout le temps là, fait qu'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'ai eu d'ailleurs un message privé aussi sur Twitter. Donc ça ne me gêne pas, ça m'a fait vraiment plaisir de lire ça. Puis même si justement, je préférerais ça, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait et vous l'avez fait, donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer des suggestions. Puis c'est ça, les demandes spéciales aussi. Oui, justement. Continuez à nous envoyer, justement, on a reçu quelques-unes, puis. Puis, continuez de nous en envoyer. Nous autres, on prend tout ça en note. Puis, quand on va en avoir cumulé là, une grosse quantité, on va probablement faire un spécial là, de suggestions là, des auditeurs. Exact. Donc, un épisode carrément consacré sur les demandes spéciales qu'on va avoir. Et gênez-vous pas. On en a découvert d'ailleurs aujourd'hui de fans qui nous en ont envoyé. Puis, ça fait toujours plaisir d'entendre ça puis de voir qu'on a des motivés. Entre autres, on a eu Mélanie Boutin-Chartier du blog de, je pense... elle était sur le P légendaire, puis elle est rendue sur le blog de Future Shop, et elle nous a dit qu'elle aimait bien nous écouter pendant qu'elle faisait la rédaction de ses textes. Ça, c'est le fun. C'est notre but, hein. On écoute ça pendant le bus, en marchant, n'importe quoi. C'est ça qui est plaisant. Ouais. On peut commencer tout de suite en parlant. Ben, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a une espèce de discussion. On va parler des soundtracks qu'on a écoutés dernièrement, des nouveautés qui se passent. Qu'est-ce qui a sorti, exact. Ce qu'on joue. Moi, entre autres, j'ai joué aussi à Retro City Rampage, que j'ai joué dernièrement, et j'ai écouté la soundtrack, évidemment. La compagnie, le gars, en fait, qui nous a offert carrément la soundtrack sur notre site. Donc, je l'ai écouté. C'est fantastique. Vraiment très, très, très beau chiptunes. Le gars, on voit vraiment qu'il a mis cœur et âme. Il y a des petits clins d'œil, justement, à Megaman, j'ai bien aimé. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, on peut l'entendre en background. C'est vraiment bon. C'est tout ce qu'on désire, justement, d'un jeu vidéo. On se rappelle des souvenirs. Et vu que le jeu est vraiment basé sur des souvenirs, sur tout ce qui est rétro, ça marche très bien. C'est très, très, très bon. Donc, chapeau à Retro City Rampage. Puis moi, je me suis justement trouvé des nouvelles chansons. Mais veux pas, moi, sur Twitter, pas Twitter, hein. Sur YouTube, je suis quelqu'un qui s'appelle Supra Darky. Oui. C'est d'ailleurs là que je prends la plupart de mes chansons. Lui, je pense à tous les jours ou presque, il poste quelque chose, une chanson complètement random. d'un jeu, puis c'est justement c'est là que je découvre. Il y a de l'air d'avoir joué, c'est bien ça le pire, parce que dans les commentaires, il poste tout le temps une espèce de petit commentaire, ça me fait penser à ça, donc on sentait qu'il a joué à du stock en 5 commentaires. Il joue pas toutes, là, je pense, mais. La plupart, oui. Il y a un bon background là-dedans. Là. Mais c'est tout là que je prends d'ailleurs mes tunes. Pour la plupart, il est rendu à 1220, je pense. Ça fait longtemps qu'il fait ça. C'est une méchante gang. C'est assez malade. Puis après ça, puis si jamais il y en a qui veulent m'acheter sur le PS3, veux pas, moi. J'aime ça faire des trophées, puis des fois c'est le fun d'avoir. Je veux pas, j'ai pas beaucoup de monde sur ma liste, puis avoir justement une communauté dans ma liste d'amis tu sais, qui viennent d'ici, c'est le fun. Bah oui. Mon nom c'est Moby the Whale. Au pire, on le réécrira peut-être sur le blog ou sur Twitter. C'est Moby la baleine. Moby la baleine. Tout je sais pas d'où ça vient. C'est comme un. C'est comme une censure, tu sais, au lieu de dire Moby Dick. C'est, ok, ouais. C'est très random. C'est bon. Fait que Moby the Whale sur PSN, moi c'est. Moi je m'en souviens jamais. Ou je pense que c'est Danvail 06. Danvail, D-A-N-V-I-L 06. C'est ça, sur PSN. Après, c'est moi qui te le rappelle. Mais je sais pas pourquoi, je me mêle avec mon Twitter et mon PSN. Est très bon. Toi, pour ça, dans le gaming, justement, c'est en site. Là, j'ai décollé. Là, je viens juste de décoller Assassin's Creed 3, le troisième du nom, qui est sorti dernièrement. Vraiment écœurant. La soundtrack, surprenamment, c'est bon, c'est vraiment débile. Entre autres, t'es dans une année d'une séquence, que je veux pas trop en dire au début. T'es dans un bateau. Puis, t'as vraiment l'impression d'être avec les marins et de fêter parce que, tu sais, t'as des séquences où justement, tu t'en vas dans la cale des marins. Puis là, ils sont en train de festoyer, ils sont en train de danser, puis tout ça. Puis t'as vraiment la musique qui défile. C'est vraiment un jeu épique, là. Je veux dire, waouh, j'ai vraiment hâte de continuer à jouer. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est cool, c'est comme moi. Moi, je suis un gars de même parce que j'ai. Tous les Assassin's Creed, je les ai tous. Mais je n'ai pas joué un maudit encore. Je pense que Max Tremblay va me comprendre là-dessus. Je pense que lui, il en accumule beaucoup des jeux aussi. Oui, c'est ça. Moi, je suis le même, j'en accumule. T'sais, je sais que je vais y jouer, mais pas de suite. T'sais, moi, j'en prends un à la fois. Après ça, quand j'ai fini, bon, je tombe sur un autre. C'est ça. J'ai toujours du choix. Quand j'en finis un, là, ça. T'sais, what's next? T'sais, autant qu'il y en a qui bon, qu'est-ce que je joue? Toi, c'est bon, mais là, j'ai l'embarras du choix. Exactement. Puis, t'es décolle pas toutes en même temps. Souvent, j'ai ce défaut-là de. En décoller un, pas le finir, puis là, tu sais. J'avais décollé. Ça, mais... Borderlands 2, tu sais, je l'ai décollé, mais là, je suis rendu sur Assassin's Creed. Ça, j'aime moins. Ça, c'est pour ça que j'aime mieux en faire un à la fois. Sinon, je viens comme à perdre le fil un peu. Ah, c'est ça, c'est tannant. Puis, comme là, je suis en site, je suis plus sur Steam pas mal. Là, j'ai joué à. J'ai fini Serious Sam The First Encounter. Quel jeu! The Second Encounter. Puis là, j'ai commencé Metro 2033. J'ai pas beaucoup joué, j'ai peut-être joué une demi-heure. Sur PC. Mais Serious Sam, il y en a pas beaucoup. Ben, il y en a beaucoup, mais sur Steam, je pense qu'ils ont pas tout. Je pense qu'il y en a eu des exclusivités au GameCube. Entre autres, moi, j'ai dans les jeux au PS2, mais justement, je pense que c'était The First Encounter. T'avais le deuxième que j'ai dévoré. Next Encounter aussi, je pense. Ouais. Mais en tout cas, moi, bref, tant que quand j'en voyais un dans le temps, ces étagères, du première vidéo, je me souviens plus, je sautais là-dessus. J'étais Mais c'est rare. Serious Sam, c'est vraiment c'est dans un no-brainer shooter, C'est comme je t'avais dit tantôt, c'est comme un Duke Nukem en plus trash. Vraiment plus exagéré. Le héros, il est semblable, c'est un macho qui aime tout ce qui bouge. Il y a vraiment du fun à tuer tout le monde. Exact. Mais il y a 10 fois plus d'ennemis. Des fois, tu te demandes que ça va finir. Je me souviens d'une séquence, entre autres, je pense qu'on jouait à deux, on jouait avec mon cousin. Puis il y avait comme une arène où ce que bon là c'était quand même assez grand mais fermé. Puis il y avait tu sais le monde là-dedans, la quantité de monstres était incroyable. Je veux dire, tu fais juste tirer comme non-stop. Je suis content que tout pète. Puis t'as les kamikazes qui font Ils sont maudits qui m'adorent. T'as monsieur qui approche, puis pouf. Je les ai t'as remarqué que là-dedans comme les ennemis, les êtres humains comme ennemis, ils n'ont pas de tête. Non, ils n'ont pas de tête. C'est sûr qu'ils courent avec les bombes, c'est bon. Ils n'ont pas de tête. Puis les ennemis normaux, les êtres humains, ils ont des fusils, il y en a qui ont juste là comme des espèces de marines. Ils n'ont pas de tête, mais ils ont comme une tête sur un sol. Comme ça, ils ont la tête d'un bord comme ça, puis l'autre bord, ils ont comme. Comme si on voulait dire les êtres humains ils ont pas de tête. Ouais, ça j'ai jamais compris ce qu'on dit. Vraiment. Puis d'ailleurs, c'est tellement drôle, maintenant au début tu pognes dans le 2, dans le second encounter, tu pognes à maintenant la scie mécanique. Là, c'est juste ça, il dit Lock Man, I'm a lumberjack! Tu peux lui dire, regarde maman, je suis un bûcheron. C'est totalement hot, là. Il y a plein de petits... Ouais, c'est aussi bon que Duke Nukem. C'est vraiment bon. Mmh. C'est un autre genre. J'ai pas joué le dernier. Je serais vraiment curieux de le voir. Dommage qu'il n'ait pas sorti sur console. Je l'aurais acheté. Mais je l'avais mal vu sortir sur une console. Je pense que oui. Ça a eu 103 d'ailleurs. Ben, il est récent puis il a vraiment l'air très bon. Oui, les graphiques, les graphismes sont vraiment l'air beau. Mais tu joues pas à ça pour l'histoire ou le graphisme. Oh, je veux dire, les deux premiers se jouent encore très bien malgré leur âge. Puis je veux dire. Mais le dernier, parce que moi j'ai vraiment grandi avec ces jeux-là aussi. Tu peux jouer en 3. Ouais, c'est ça. 3, là, j'ai vu une vidéo sur YouTube récemment. Ils se mettent contre le dernier boss. Ben, il était 16. Ça en fait de voir. Ah, il y a eu 16 contre un boss, ça doit tellement être débile. Puis t'as une bonne. Bonne machine, ça doit laguer, hein? Ouais, pas la fin est gigantesque. Ça doit être des bons jeux pour Joël, ça. Ouais. ensuite, donc, je pense que c'est pas mal ça. C'est pas mal tout pour nous. C'est pas mal tout. Donc, rétro, hein? Ouais. D'accord, on va starter avec le premier bloc. Premier bloc, yes. Ça, on a la première toune, c'est. le nom, là, c'est YS. Je sais pas Ark of Napishtim. Ok, tout ce qu'on sait, c'est publié par Konami, ça a été fait par Hudson Soft, la petite abeille qui a fait Adventure Island. Yes. C'est la chanson d'ouverture très, très, d'ailleurs, très cool. Ben, je pense que c'est pas l'ouverture officielle. D'ailleurs, sur Fun Joyeux, j'avais posté un lien là-dessus sur YouTube. Je pense qu'il fallait que tu fasses un espèce de cheat code pour... Ok, pour la débloquer. Pour la débloquer. Un peu comme la toune de justement notre chanson thème, que c'est quoi le jeu? J'ai un blanc! Contrôle? Oui! Ben, Uprising, ouais, donc un peu comme ça, donc fallait faire un certain code. Ouais, c'est ça, puis t'as comme une espèce d'ouverture avec un style manga, avec cette tune-là qui est vraiment là, très, très, très, très bonne. C'est débile. Vraiment excellent. J'adore ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après ça? On a... Wrecked Frigate Orpheon de Metroid Prime. J'aurais peut-être plus Wrecked. Ouais, je suis. Excusez mon anglicisme. Je suis trop. Tu sais, avec l'université, là. Ouais, c'est intense. Ah ouais. Metroid Prime. Non, c'est pas grave. Metroid Prime, moi, j'ai pas joué beaucoup tant que ça à Metroid Prime. C'est de valeur. Il va falloir acheter les vrais jeux de la collection. Ça, oui, là, la trilogie. Il va falloir jouer à ça. D'ailleurs, il faudrait que je fasse tester, mais oui, parce que, ce qui marche plus pareil. Ah, puis, ouais. Mais bref. Mais dans cet automne-là, c'est quand t'arrives là, d'un moment donné, t'es comme. Je me souviens pas, je pense que c'est d'avant d'arriver dans les mines Phazon. T'es comme dans un espèce, justement, là, un espèce de gros bateau là, dans l'eau. Là, puis, non, c'est vraiment très cool. Ça fait un bout que j'ai pas joué. C'est encore un petit peu vague. Là, ouais, dans non, la tête, là, mais non, c'est très bon. Puis la toune est ambiantique. C'est ça. C'est parce que, bon, petit Easter egg, en écoutant l'épisode 1, on a fait. Si j'aurais fait un jeu de boisson à toute fois que je disais le mot ambiantique, j'aurais été sous après 4 minutes. Fait que je l'ai beaucoup dit. Fait que cet épisode-là, je le dirais pas. Et voilà, hein, c'est clair. Non, c'est ça. Écoute, c'est vraiment très, très, très bon. Comme toute la soundtrack de Metroid Prime grand complet, tant qu'à moi, là, vraiment. Retro Studio ont fait une job là-dessus. Nintendo, ils ont fait confiance. Ça a vraiment fait de quoi de cool. C'est sûr que je vais le jouer à un moment donné. Ça fait partie de mes to-do list à faire. Mais quand, je sais pas. En attendant, on écoute ça. C'est pas vraiment. C'est-tu la musique de l'eau? Parce que je sais que tu m'avais parlé de. Ça avait rapport avec l'eau et tout ça. Là. Donc, on retrouve vraiment bien. Toutes les musiques, là, ce qui a rapport à l'eau, c'est tout vraiment des musiques relax. Ouais, c'est tout smooth. Mario. Ouais, Mario. Même les Turtles, même si c'est pas super. Toutes les tonnes d'eau, en général, une torche. Puis c'est un des rares jeux, tu sais, que t'es dans l'eau, mais c'est le fun, tu sais. Dans toutes les zones-là, les temples de l'eau, puis tout ce qui est de l'eau, ça m'énerve. Ça va pas vite, là, puis c'est. En tout cas. J'avoue. Fait que, écoute, ensuite, on a quoi? The Ninja Warriors. Suit. On va dire suit, suite, peu importe. Ouais, parce que suit, ça dépend comment tu le prononces. Suit, c'est comme plus un habit. Ouais, mais c'est vrai. Suite. En tout cas, je sais pas si c'est le contexte. Ça, c'est un. Ça se pas là-dessus. Ouais, c'est ça. Joué pas en tout à ce jeu-là. C'est un jeu rétro. Hein. Ouais, un jeu de rétro sur la Super NES. Je me suis procuré, d'ailleurs, récemment. Il vaut à peu près entre 40 et 50 $ quand même. Sur eBay, Sur eBay. C'est vraiment le fun. C'est un jeu comme un peu. C'est un beat'em all. Avec. Puis c'est qui est le fun, t'as des espèces de robots là. Des robots cybernétiques, là, comme les humains, des esprits, des robots cyborgs. Des robots ninjas, cyborgs. Ouais. Mais ninja, ouais. Ouais, ninja. Ça peut pas être plus cool que ça. Rendu là, il faudrait qu'il ait des montures de raptors et de tyrannosaures pour que là, ça soit trop malade. Là, des DLC. des DLC de raptors. Non, mais sincèrement, tu sais, tu peux choisir trois ninjas. T'en as un qui est comme le hagard des combattants. Il est gros, puis il a des espèces de nunchaku, il avance pas vite, mais il est vraiment badass. Il est fort, il fait fort. Il fait fort en maudit. Après ça, t'en as un, c'est comme une fille, elle est comme tout habillée en rouge, puis elle a des cheveux blonds vraiment très longs. Puis elle a comme des espèces de kunai, je sais pas trop c'est quoi, une espèce de petit couteau japonais, là, ouais. C'est pointu, je sais pas trop comment on appelle ça. Je sais pas non plus. Puis il y en a un autre, là, lui, c'est comme le plus rapide. Il y a des espèces de grosses lames là, implantées dans ses bras. Puis il peut comme les allonger. Là. Il est vraiment cool. Mais le jeu, en général, il est vraiment cool. Là. Tu peux tirer des motos. Des fois, il y a des grosses motos. Tu peux pitcher sur ses ennemis. Voilà. Puis le décor, il se détruit souvent. Non, c'est vraiment un très, très bon jeu. Ouais, ben c'est un underdog aussi. Genre de jeu qu'on n'a pas entendu beaucoup parler. Mais pourtant, tu sais, juste avec le nom de Ninja Warrior. C'est Taito qui est derrière ça. C'est eux qui ont fait Bubble Bubble. Ouais. Bon, ben, c'est ça pour le premier bloc. Bonne écoute! Thank you. Deuxième bloc. Et yes. Oui, on est déjà rendu au deuxième bloc. Un autre nom de japonais pas prononçable, Shakimaru's Team Orca de Okami. Et Okami. Oui. J'ai jamais joué à ce jeu-là. Je ouais, sais. Pitchez-moi des roches, jugez-moi, traitez-moi de tous les noms sur Twitter. Je n'ai jamais joué à Okami et pourtant je devrais. Je sais que. D'ailleurs, je pense que Bruno Georges, il a fait un petit post là-dessus, je pense, sur son Facebook. Puis. c'est un incont- il dit que c'est un incontournable. Effectivement. Moi aussi, il faudrait ça le jouer. Ça a l'air que, ouais. Ouais. Ben, avec la musique en partant, on se trompe pas, là, c'est presque aussi bon que Zelda. Ouais. Le visuel, écoute, c'est capoté, là, c'est vraiment. C'est pas un peu cartoonesque, je pense. Ben, semi-cel-shaded, mais en même temps, en tout cas, le visuel est tout simplement coupé le souffle. Vraiment, là. Moi, j'avais jamais vu quelque chose de semblable comme ça. Je sais qu'il est sorti en HD maintenant sur le PlayStation Network. Je sais pas si il est disponible sur l'Xbox Live Arcade, ça m'étonnerait. Mais ouais, sur le PlayStation Network, il est rendu maintenant disponible en HD. Probablement sur le coût de 15$. Ouais, je sais pas. Ou peut-être 20$, ça dépend. Le procure, probablement. Ça vaut probablement toutes les chaque scène qu'on a investi. Moi, je me garocherais là-dessus. C'est juste que là, pour l'instant, écoute, comme on a dit, hein, on a tellement de jeux à jouer. Ouais, c'est ça. C'est un peu dur de tout se rattraper là-dedans. Donc, ça, c'est à surveiller. Ouais. Ça, next. Yep. Flying Battery Zone, Acte 1. De Sonic & Knuckles. Yes. Hey, ça, c'est mon jeu. Ah, ouais. Sérieusement, là, quand j'étais jeune, s'il y a bien un jeu que j'ai joué, quand j'étais avec mes cousins et cousines, c'était Sonic. Sonic & Knuckles, là, écoute, ça fait pas exception. D'ailleurs, je fais un big shout-out à notre... J'espère qu'il va revenir un jour, Johnny Atma, a.k.a. Game Metal, a.k.a. Son ancien nom, vois-tu, je m'en souviens. Johnny Depp. Ouais, Johnny Depp, qui a fait un cover des plus malades là-dessus. Ouais. Probablement que dans un épisode justement spécial cover, moi je dois uploguer cette tune-là, je l'écoute D'ailleurs, presque aux deux jours. C'est vraiment bon. On avait fait un blog sur un petit bout de ça, là, sur le fun blog de Point Joueur. Oui, c'est vrai, sur mon site. J'avais fait un billet des personnes que je trouvais qui faisaient des bons covers. Parce que ce qui est arrivé avec lui, c'est que son nom, Johnny Depp, je pense, en tout cas, Johnny Depp, il est comme... une compagnie qui a pris son nom, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ben, il y avait quelqu'un qui avait déjà pris ce nom-là, et ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que ils l'ont contacté, lui ont demandé d'enlever son nom, sauf que là, YouTube, ben, probablement que la personne a fait une plainte sur YouTube. Donc, il est obligé de mettre son compte, de fermer son compte. Là, je trouve ça vraiment plate, parce que ce gars-là, c'est une machine, OK? Là, il n'y a aucun cover de métal... de jeux vidéo qui torche autant que ses covers. Mais tu peux aller t'abonner sur son channel YouTube, il a réouvert dernièrement. Ben, il n'y a rien encore, là, qui est... il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de vidéo, c'est ça qui est plate, mais tu peux t'abonner à son channel. Ah, c'est sûr. J'ai tellement hâte qu'il ajoute, là, c'est des nouvelles chansons, parce qu'il avait fait des covers que je voulais télécharger, parce que... sur son site, mais là, avant que j'ai télécharge, j'ai tout enlevé. Ouais, comme de fait. Ouais. Mais bon, je sais que t'as été capable quand même. En tout cas, moi j'en ai sur mon iPod que j'ai écouté. Mm. Entre autres, sa version de Ninja Gaiden, Ballistic Minefield est juste débile. Bref, on vous en dit pas plus. Mais Stone-là dans Sonic, pour moi, c'est probablement ma favorite. Ah, elle est vraiment bonne. Elle est excellente. Je te dirais, le Knuckle complet, là, elle est vraiment folle. J'adore ce jeu-là. Ouais. Très, très, très bon. Sega a fait une job, évidemment, c'est Sonic. Donc, une job de fou. La prochaine, je l'aime particulièrement. Écoute, merci Sony d'avoir sorti Shadow of the Colossus et Ico mixés ensemble dans un bloc HD pour que je découvre cette toune-là. The Open End, ouais. Tu peux pas te battre, tu peux pas penser à une toune plus épique que ça. Je veux dire, je pense que les développeurs, tu sais, à la base, on pensait à un jeu qui est... quand même assez épique, là, mais... Ben, ça fit, mais pas, parce que, tu sais, tout est oui, tout petit. Oui, tellement. Puis tout de suite, justement, qu'on est gros colosses. Gigantesques. Ouais. Oh, puis c'est tellement bon. Ça te prend des chansons comme ça pour te motiver, là, vraiment. À les détruire. Là. Je sais pas si ceux qui ont composé la chanson ont joué au jeu, là, mais tellement... Toute la soundtrack de jeu-là est malade. Moi, tant qu'à moi, je ferais un Geekorama au complet, rien que Shadow of the Colossus. Ça donne des frissons. C'est vraiment bon. J'adore ça. Le jeu, je ne l'ai pas tout à fait fini. J'ai hâte de le finir. Moi, il est vraiment fou. J'ai pas joué encore. Ça fait partie de tes... Un jour, tu vas le commencer. Ouais, j'ai hâte que tu commences. Parce que à ta boy, c'est quelque chose. T'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus? Moi, non. Si j'aurais joué, c'est sûr que je... Je t'en aurais probablement. Ouais, c'est sûr, mais... C'est cool. C'est vraiment très, très, très... un très bon jeu. Puis la soundtrack en est pas moins. Fait que c'est terminé pour le bloc 2. On se revoit dans le bloc 3. Bazinga! Fait que troisième, c'était très lent. C'est le petit stress, tu sais, quand on recommence, on sait jamais quoi dire, fait qu'on dit de la merde, que veux-tu? Non, c'est pas grave. Oui, des choses qui arrivent. Pour notre troisième bloc maintenant, on a When You're Gone de Silent Hill, le jeu de Konami. Quelle bonne chanson. C'est très bon, c'est excellent. On le retrouve entre autres, en fait, dans Silent Hill Shattered Memory. Yes, qui est disponible sur la Wii. Sur la Wii, sur le PlayStation 2, je pense, et la PlayStation Portable. Ok. Fouille-moi, bon. PSP, je sais pas si ça doit être bon ce jeu-là. C'est un jeu qu'encore là, j'ai pas essayé. Mais... Moi non plus, d'ailleurs, les Silent Hill, je possède le 2 et le 3. Ouais, collection HD. Ouais. J'ai joué un jour, parce que c'est une série qui m'intéresse beaucoup, puis je suis déjà un fan fini des chansons. Voilà, la soundtrack est vraiment bonne. C'est Akira, je me souviens plus de son nom de famille, malheureusement. Ouais, quelque chose d'imprononçable. un très bon développeur. Mais ça, vois-tu, ça fait partie des projets du podcast. C'est qu'on va prendre un développeur et énoncer sa biographie. Ça. Peut-être exemple, mettons, dans le cinquième. On va parler, mettons, de Koji Kondo. C'est ça. Mais lui, comme lui, c'est sûr qu'à un moment donné, on va en parler, c'est sûr. Parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de bons stocks. Comme Shadow of the Dead. Oui, ben oui, il a travaillé là-dessus, donc on voit qu'il n'est pas tout le temps avec Konami, puis il n'est pas tout le temps avec les Silent Hill. Exact. Il fait d'autres stocks, puis c'est très bon. Ah oui, c'est vraiment bon. Et j'ai l'impression que c'est un de nos chums qui a dit ça, j'ai l'impression que la toune, c'est un peu, tu sais, fille, toune de bord, où ce que là, la fille et le Ben jouent, puis tu vois qu'ils sont trop bons pour la place, puis le bord est brumeux un peu. Je trouve que ça colle parfaitement à l'éthique du jeu. Ouais. Et en fait, qui est vraiment très horreur. Donc, non, c'est vraiment très bon. Ensuite, Shadowwood de Hexen. 64. Ouais, je sais que toi, t'as pas vraiment joué. Je viens d'avoir un flash. J'ai eu un flashback tantôt parce qu'on se disait à Aaron qu'on n'avait pas joué. Non, j'ai joué avec un de mes chums dans le temps qu'il restait à Alma. Puis on avait pris un peu de boisson. Puis on avait joué à 3 parce que c'est un jeu qui joue à 4, ça, c'est le fun. Ouais. Puis écoute. Je te dirais que vu que j'avais pas joué vraiment avant, j'ai pas eu le fun. Ouais, t'as pas eu bon. J'ai baillé tout le long, puis mon Dieu que c'était plat. Puis moi j'adorais ça, je me rappelle, j'ai joué avec mon frère énormément, on jouait à coop, on l'a fait au complet. Je sais que c'est comme un Doom-like. C'est fait par ID Software. Ouais, exactement. Donc, ouais. Ils ont utilisé exactement le même moteur graphiste et tout, donc c'est très similaire. C'est clair. T'as 3 personnages, t'as un guerrier, un cléric, puis un magicien. Ouais. Ils ont chacun 4 armes, mais au début, tu commences évidemment avec une. Les points ou. En tout cas, je sais que moi j'avais pris le barbare, puis lui, tu sais. Avec ses coups de poing. Ouais, il est vraiment puissant. C'était cool quand même. Ouais. Non, c'était cool. Comme je te dis, le début, j'avais aimé ça. Le début, j'avais aimé ça, sauf qu'à moi, après, ça... C'est pas facile, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes. Ils disent rien. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme... Aucun dialogue, presque. Comme les bons vieux jeux d'ID Software, tu payes sur une Switch, puis là, t'en as aucune idée, c'est quoi que ça a ouvert, tu cherches. C'est ça, faut que tu cherches, exact. La map, elle est dure, elle est pas vraiment précise, fait que c'est pas évident de se diriger. C'est un très, très, très bon jeu. Moi, j'ai capoté là-dessus. Pour l'époque, du moins... C'est un bon... Ceux qui se recherchent un jeu rétro qui ressemble à Doom, mais style fantastique, un peu comme Donjon Dragon, c'est vraiment ce qu'il faut. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Hexen 2 aussi, qui est un bon dinosaure. Oui, Hexen 2 qui est vraiment très bon aussi. Il y a eu, après ça, les Heretics, je pense, Dead King of the Dark Citadel. En tout cas, il y a eu vraiment plusieurs... Une série de ces jeux-là. Je savais pas. C'est bon ça. Ensuite, on a Joel Master Stage 1, un jeu de Genesis, je pense. Qui est sorti il y a quand même longtemps. C'est un jeu rétro, mais ça, j'ai jamais joué à ça non plus. Moi non plus. Sauf que moi, la première fois que quelqu'un m'en avait parlé, c'est à mon ancienne boutique où je travaillais. Effectivement. Finalement, le gars nous en avait parlé, puis écoutez ça, la bise est juste malade. Si vous avez des subwoofers, si vous écoutez ça dans votre voiture, ou en tout cas, si vous êtes avec des écouteurs, dommage. Crinquer le son, c'est vraiment une toune de... la base là-dedans est juste malade. Écoute, je joue de la base et je ne pourrais pas faire ça même en 100 ans. C'est incroyable. Ça sonne, là. Sonne vraiment. Encore une fois, le premier tableau. Ouais, c'est ça. Stage 1, on s'entend, tu te trompes pas avec ça. Là. C'est vraiment... Donc, bonne écoute. Yes. We'll be right back. 4, Colin! Yes. Qui dit, hey! Voilà, A Sign of Hope de Lost Odyssey. T'as-tu joué à ça, toi? J'ai, oui, ben, en fait, j'ai vu dans le temps justement que je travaillais dans ma boutique Sputnik, okay. Alma, qui n'est pas ma boutique, je voulais plutôt dire en fait la boutique de Daniel Gagné, mais que je travaille là, le propriétaire. Oui, et ça a l'air que c'était un méchant bon RPG. Ça a été fait par, publié par Microsoft, développé par, de, par justement le, l'ancien créateur, ben, en fait le créateur de Final Fantasy lui-même, Miss War. Miss Walker, je sais plus. En tout cas, c'est sa compagnie qui a créé, qui ont fait dernièrement de la story sur Wii. Il est sorti sur 360. Oui, c'est une exclusivité 360, okay. Malheureusement, tout comme Blue Dragon qui a fait. Okay. Donc, c'est, ouais, je pense que c'est Miss Walker, sa compagnie. Et malheureusement, ça a l'air que justement, c'est des combats tour par tour assez tannants de ce que j'ai entendu dire. Ça me plaît moins maintenant dans les jeux vidéo. Quand je le rejoue, bah, tu sais, des trucs comme Chrono Trigger, pour moi, c'est ce que c'est, ça a trop bien vieilli pour la ligne, fait que c'est merveilleux. Par contre, quand on parle justement de jeux tour par tour comme ça, où, bon, oui, ça peut être tannant, mais ça a l'air que l'histoire est tellement bonne que le reste est complètement mis de côté. Mais la soundtrack est tout simplement magnifique. C'est d'ailleurs Nobuo Uematsu qui l'a fait. Celui qui a composé les chansons de Final Fantasy d'antan. C'est pas un deux de pique. C'est pas un deux de pique. Et il a fait une job du fou. C'est vraiment une excellente soundtrack qu'il a faite là. Je trouve meilleure même celle de... j'ai pas beaucoup... en fait, j'ai écouté un peu la soundtrack de Last Story. OK. Puis, à date, il n'y a rien qui me fait grimper dans les rideaux et crier au génie. Ouais. Cependant, celle de Last Story était vraiment très mémorable. Une soundtrack digne de son nom, finalement. Okay. Par contre, Last Story... En tout cas, moi, d'après moi, j'ai rien vu. Le jeu est encore neuf. Je ne l'ai même pas encore déballé parce que ma Wii est morte, malheureusement. Ouais. Et... ouais, rest in peace. Mais bref, je risque très fort probablement de mettre la main là-dessus un jour et de jouer. Mais pour ce qui est de la musique, il n'y a rien à dire. Le génie est à son œuvre encore. Un très, très, très, très, très bon soundtrack. Voilà. La deuxième chanson, le boss final de Mario et Luigi, Bowser Inside Story. Y as-tu joué? Moi, non. moi, oui, j'ai joué. En fait, j'ai commencé le jeu, je l'ai fait du début. Je me suis peut-être rendu à un peu plus loin que la moitié. C'est des gros jeux, vraiment. Okay. Et pour les fans de Mario RPG, pour les fans justement qui dans le temps n'ont pas joué à ces jeux-là, allez-vous chercher ça. C'est génial. Okay? Ben d'ailleurs, monsieur, vous êtes interrompu. Justement, chez Sputnik, je pense qu'il y en a une copie. Justement, je pense que je vais peut-être l'acheter parce que justement, je me suis procuré une DS il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Avec 3 ou 4 jeux. Écoute, moi, en ma possession, j'ai j'ai toute la collection, je les ai toutes, sauf que le premier étant au Game Boy Advance, qui s'appelait The Superstar, en tout cas l'histoire de Superstar. T'sais, bref, l'histoire de ce jeu-là, c'est que les deux sont rendus des vedettes. Bref, hein, ils ont conquéri Mushroom Kingdom et tout et tout. Puis ils sont rendus célèbres et ils doivent maintenant faire face à un nouveau méchant qui est tellement drôle. C'est des jeux qui sont drôles, vraiment, là, ils ont vraiment... Toujours un bel humour dans les jeux. Ah, vraiment. Puis je me souviens plus des développeurs qui ont fait ça, mais c'est pas Nintendo en tant que tel. Nintendo est seulement qui les publia, mais wow, ils font vraiment un job malade. Le deuxième est cool, mais le troisième est... un mélange de RPG qui ressemble justement à Super Mario RPG sur le Super Nintendo. Platformer, le visuel est à couper le souffle, tout dans ce jeu-là est vraiment cool. Procure, mais il est quand même... C'est rare. Je te dirais, le troisième, moins, parce qu'il est quand même assez récent. Je pense qu'il est sorti en 2006. Cher, moi, j'ai acheté vraiment pas trop cher, justement, chez Big Games. Comment il s'appelle? Brothers in Time. Bref, ça parle du temps. Puis c'est avec des petits bébés Mario, bébé Luigi. Et écoute, j'adore. Je l'ai pas fini ce jeu-là, malheureusement. Mais je sais qu'il est disponible sur DS. Bref, allez vous chercher ça. Ça vaut vraiment la peine. Et ça, c'est la toune. Ce qu'on va se passer là. Du boss final qui est juste trop épique. Moi, le seul boss final que je me suis rendu dans cette série-là, c'est au Game Boy Advance, le premier. Okay. Puis c'est dur, hein. C'est extrêmement difficile. C'est. vraiment, vraiment. Tu sais, on se dit en plus, c'est un Mario, mais le jeu, il est pas facile. Plus ça va, puis plus t'as du challenge. Allez pas penser que. Non, c'est le fun parce qu'il y a. C'est comme des Mario conventionnels. Moi, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de jeux de Mario, justement, parce que c'est pas vraiment dur. Ben non, c'est ça, exact. Les plus récents, parce que c'est fait pour une audience qui est plus jeune. Ouais. Là, on va vraiment aller chercher les hardcore gamers. On va vraiment chercher ceux qui veulent. Un jeu qui ressemble vraiment à Mario RPG au Super Nintendo. Fait que Dom, vas-y all the way. Parfait. Puis vite, parce que les jeux commencent à être rares. Oui. Mario, Bowser Inside Story, moins. Mais l'histoire se suit pas. Okay. Fait que tu peux starter avec Bowser Inside Story. Il n'y a aucune suite logique vraiment importante. Donc voilà. Parfait. C'est qu'on a pour la dernière chanson, mon homme. Hey, c'est assez ridicule, ça. Ouais. Hein? Sigma Fortress. De Megaman X. Dominique est très fan de Megaman X. Je pense c'est un des. Le gars, il joue comme un dieu. Là. Je veux dire, toi, tu penses que tu joues bien Megaman X. Là? Ben, tu verrais Dom jouer puis tu ferais comme shit, man. Je suis mauvais. Là. Je suis pas bon. Moi, je suis meilleur dans les classiques. Puis j'ai cette force-là. Non, moi aussi, je suis quand même pas super. Ouais, t'es bon, c'est bon. T'as moins la patience, là, t'es bon. Ouais. J'ai moins grandi avec les classiques, je dirais. Les tunes, je les adore, sont écœurants. Je possède d'ailleurs Megaman 2 chez nous. Moi, c'est bizarre, j'ai grandi avec les X, par émulateur, évidemment. Puis même. Mais j'ai rejoué au classique dernièrement, puis je me considère plus une personne classique. C'est bizarre. Mais bon. En tout cas, mais c'est cool, tu sais. Chacun sa catégorie. Les X, on dit qu'ils sont fun. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Justement, ça, c'est le premier tableau de Sigma. Ouais. Puis moi, si je me rappelle, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai, dans le début, le tableau était pas vraiment long, mais à un moment donné, t'avais comme une espèce de gros précipice à escalader, puis c'était comme, t'avais des plateformes, genre de la grosseur de ton sprite, là, t'avais des petites plateformes qui bougeaient de gauche à droite, fallait que tu montes, puis c'était vraiment pas facile, fallait que tu fasses des dashs, puis t'es... Ah, c'est très difficile. Puis t'avais tout le temps des maudites bébites qui volent, moi, les bébites qui volent dans les jeux, je c'est déteste. Tellement de la merde, autant dans Ninja Gaiden que dans n'importe quel jeu. Les oiseaux qui te fassent de 4 de vie, là, les grosses bombes nucléaires qui te fessent de 1. Aucune logique. Mais non, c'est ça. T'essayais de monter, là, puis t'avais tout le temps des colons là, qui volent. Quand ils te pognaient, tu tombais quasiment dans le trou. Ouais, mais il y avait un truc, tu pognais l'arme de... Je sais pas si tu te rappelles de Sting Chameleon. Oui, ben oui. Tu faisais son concentré pour avoir son spécial. Ouais. Puis ça te rendait invincible pendant un certain temps. Ok. Puis moi, je faisais ça, puis je montais, puis là, il passait tout à travers moi, fait que là... Mais en même temps, il me semble que ça, ce power-up-là, ça montait-tu tes... Tu sais, t'as comme des tanks de vie, il me semble que ça les montait en plus. En tout cas, je suis pas sûr. Non, les tanks de vie, ils se montaient quand t'étais plein de vie. Puis tu pognais de l'énergie, mais au lieu que ça fasse rien, ben ça montait à tes teintes de vie, tes énergies teintes. Mais fallait que tu sois plein de vie, sinon ça faisait pas. Ah, ok. Puis je me rappelle, le premier boss, il me semble, c'est une espèce d'araignée, là, bon, tu es tough. Oui, c'est très difficile. C'est pas des jeux qui sont faciles, mais c'était la beauté de la chose. T'avais peut-être une seconde pour la toucher, là, elle faisait comme ouvrir son œil, puis elle la remontait, puis elle pitchait des petites araignées, bon, tu es tough. Non, écoute, c'est puis son arme, capoté. Son arme. Qui amputait le plus, c'était la glace, puis elle perdait juste deux couches, puis... c'est long à battre quand c'est juste deux couches, là. Non, c'est quelque chose. Je me souviens pas exactement de tout, mais je peux dire que le jeu a fait un méchant upgrade dans le temps qu'il avait sorti. Je pense que c'est quoi, le 8, le dernier? Pas le 8. Bon, ben juste, c'est pas le 8. Ouais. Il y avait sorti après le 7 ou le 8. Le 8 étant le pire Megaman au monde, je le dis dans Twitch, ben... petit podcast que je dis. Le 8, c'est le pire Megaman au monde. C'est pas le... Ça devrait pas s'appeler Megaman. Ça devrait s'appeler J'ai la diarrhée et je m'appelle Megaman. C'est de la merde. Ben, c'est pas un mauvais jeu en tant que tel. C'est un mauvais Megaman. Ben, c'est quand même. Ouais, même là. Ouais, tu sais, je veux dire. Ben, en tout cas, moi, je l'ai détesté vraiment. Puis je veux dire, c'est dans notre. Parce qu'à Game Nature, on s'est claqué une espèce de grosse série de Megaman épique durant l'hiver de 2011. Écoute, c'était trop épique. Le 8, c'est lui qu'on a même pas fini. Puis écoute, t'étais là quand on a essayé de le faire. Puis il y a une maudite séquence avec un snowboard qui est tellement plate. Puis que tu sais. Jump, down. Oh. Écoute, c'est quelque chose, mais très dole. Ouais, fait que moi, le 8, là, c'est le pire. Ouais. En gros, c'est moi Fortress 1, surtout. C'est voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. On vous envoie ça direct là. Et voilà. Ben, c'est la fin. Ouais. C'est la fin de ce podcast de Geekorama, épisode 2. Ben oui, tout est bien qui finit bien et toute bonne chose a une fin. Ouais. Non, écoute, j'espère que vous avez eu du plaisir à écouter ça. Une autre, comme on vous a... Oui, vraiment. Et comme on vous avait dit, une autre version du podcast. On a amélioré quelques affaires, on a construit... on va éditer les choses différemment. Ouais. J'espère sincèrement que vous avez aimé ça. Ouais, j'aime vraiment ça, moi, personnellement. Là. Ben ouais. Oui, carrément. Petit nouveau dans le podcasting. Commence à prendre des graines, comme on dit. Yes. C'est bien ça. Bien, tant mieux. Ben écoutez, c'est... On avait quelque chose, on a quelque chose à vous dire également. Geekorama est tout nu de logo. Ben, on va dire, on en a un, Joël, t'en as fait un. Il était bon, on le remercie d'ailleurs. C'était vraiment très drôle. J'ai vraiment ri. Au moins, on a un, tu sais. Oui. Puis, écoutez, c'est cool. Donc, si quelqu'un, ça lui tente de faire quelque chose de vraiment hot avec ça, qui pourrait prendre peut-être le même modèle, les mêmes couleurs, mais faire de quoi de mieux, un peu comme Bruno avait fait avec nous autres, ça serait très apprécié. On aimerait ça. On sait que ça arrivera probablement pas d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Je sais même pas quand est-ce que cet épisode-là va être publié. Fait que, ouais, c'est pas je vous donnerai pas de marqueur de temps pour l'instant. On est patient, on attend. Il y a pas de trouble. Pas de trace. Fait que, bref, réécrivez-nous. Oui, ça serait très apprécié. Oui, un coup que ça va être fait, n'hésitez pas. Je vais faire bientôt un compte, dans le fond, Gmail pour le podcast. Ouais. Je sais pas encore comment que ça va s'appeler, mais c'est sûr que je vais m'y atteler, finalement. On va vous mettre au courant. Yes. En attendant, suivez-nous sur Twitter et Facebook. Moi, sur Facebook, j'accepte n'importe qui. Dom, peut-être ouais, pas. Peut-être plus ou moins. C'est comprenable. Sur Twitter, ça va être Dominique-Jean sur Twitter. C'est bien ça. 16, je pense, à la fin. Ouais. En ce cas... Ben, je suis pas très actif sur Twitter, j'avoue. Il faudrait que je m'y mette un peu plus. Ça. Ouais. De temps en temps, tu sais, quand on poste un épisode, je le dis, mais je devrais vraiment être plus actif un peu. C'est bon. Mettre. Moi, c'est Vaidan, @Vaidan sur Twitter, comme vous le savez. Sur notre compte FunJouéJou aussi, vous pouvez adhérer sur notre page Facebook. Si vous êtes abonné sur iTunes et que vous voulez... nous dire n'importe quoi, un petit bonjour, si vous voulez donner vos impressions, savoir ce que vous avez pensé. Nous, on veut savoir ce que vous avez pensé. C'est le fun de venir lire vos commentaires. Ben oui, c'est tout le temps le fun. Là, on en a eu un à la fin de l'épisode, mais là, on va vous lire au prochain épisode. On a comme vu que pendant qu'on enregistrait, mais voilà. On l'a pris en note. On l'a pris en note. On va sûrement répondre à ces questions-là dans l'épisode 3. Exact. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je pense que tout a été dit. Yes. À la prochaine, on sait pas quand est-ce. Ouais. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Salut là. Salut tout le monde. Yeah.